Les matchs des enfants de classe de football de la ville de Pyongyang ont eu lieu pendant une vingtaine de jours. Y ont pris part plus de 90 équipes pour se disputer par rang d'école primaire, d'école secondaire de cycle inférieur et de cycle supérieur. Les premières places sont réservées aux équipes masculines et féminines des écoles primaires de Rangnan, de l'arrondissement du même nom, et de Gwangbok, de l'arrondissement de Mangyongdae, des écoles secondaires inférieures de Gwangbok, de l'arrondissement de Mangyongdae, et de Sangsin, de l'arrondissement de Soson, ainsi que des écoles secondaires supérieures de Kaesun, de l'arrondissement de Morambon, et de Namsin, de l'arrondissement de Sungyo. Elles se sont donc qualifiées pour la 7e compétition nationale de classe de football prévue en juillet prochain, au nom de la ville de Pyongyang.